Et moi, Périclès. Et Fifi. Nous venons protester contre cette façon de nous mettre en pièce. On risque en vérité de faire péricliter toute notre célébrité. Voyant notre vie intime, tous ceux qui nous estiment diront, mais c'est de la frime ce qu'on nous a raconté. Tous ces gens qu'on renomme honnêtes femmes et grands hommes ne valent pas mieux en somme que toute l'humanité. Non, ces petits couchages ne sont pas davantage, mesdames, que du chantage afin de nous faire chanter heureux si ce chantage charmant aréopage n'est pas le désavantage de vous désenchanter. Non, ces petits couchages ne sont pas davantage